par rapport au. C'est un truc qu'on avait dit un moment à Pimpon. On appelle les Nuits Debout à élaborer des analyses et des propositions à mutualiser et à soumettre des campagnes d'action. Et là-dessus, on a découvert que la commission démocratie vivante de la Nuit Debout de Rennes, ils avaient mis en place vers mai dernier un processus participatif autour de propositions pour réformer les institutions. Et c'est pas pour rien qu'à Nuit Debout, ce thème de la démocratie, c'est un peu le thème de base, puisqu'on pense qu'il y a une crise dans les prises de décision, dans la politique, et que les gens, ils ont besoin de venir, de se rassembler et de décider ensemble. Donc ça, c'est un peu le mouvement initial. Et donc là-dessus, je vais vous lire les 10 propositions qu'ils ont faites. Et donc, ils les ont diffusées depuis juin. Et ils ont reçu 80 contributions, c'est-à-dire soit d'autres propositions, soit une réflexion générale sur cette démarche. Et donc, ça va être clos en fin septembre. Donc, moi, j'aurais été très heureux que sur Nuit Debout Paris République, on réussisse à contribuer à leur initiative de manière à faire un dialogue entre les Nuits Debout. Et qu'on arrive à des choses en commun, à porter ensemble. Et donc, bon, bah, je vais vous lire. Et donc, voilà, ils ont fait un schéma qui est. Alors, tout ça est sur Internet. Il faut aller sur le site de nuitdebout.fr. Tout en bas, vous avez un W. Ça vous amène sur le wiki. Et dans le wiki, vous avez tous les départements. Donc, vous allez en Bretagne, enfin, département de l'Ille-et-Vilaine. Vous trouvez la Nuit Debout Rennes. Là, vous avez la commission démocratie. Et là, vous avez tout ce qu'ils expliquent là-dessus. Donc, leur processus, hein, c'est, ils ont compilé 10 propositions. Et ensuite, ils rajoutent, et pour vous, quelles sont les vôtres? Donc là, ils sont à la phase de collecte, échange, formulaire Internet. Ils commencent la phase de lecture, analyse et concertation. Et le 15 octobre, samedi 15 octobre, en fin d'après-midi, on va sans doute faire une conférence en direct par Internet pour voir les conclusions de tout ce qu'ils auront reçu là-dessus. Et c'est donc qu'un début. Alors, les 10 propositions, en fait, je les ai là, si vous voulez les faire tourner, ceux qui t'intéressent de bosser là-dessus. Alors, la proposition 1, c'est la fin du cumul des mandats. La proposition 2, c'est inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour des faits de corruption, de trafic d'influence, de fraude électorale ou de fraude fiscale pendant leur mandat. 3. Impossibilité pour le gouvernement d'imposer une loi sans débat à l'Assemblée nationale. Donc suppression de l'article 49.3 de la Constitution. 4. Instauration d'un pourcentage minimum de représentants présents. Au moins 70% dans les assemblées pour voter des lois sur des plages horaires décentes. 5. Transparence totale de l'utilisation des fonds publics par les institutions gouvernementales et les élus. 6. Référendum à l'initiative du peuple pour discuter ou proposer une nouvelle loi. 7. Comptabilisation du vote blanc dans les suffrages exprimés, actuellement reconnus mais non comptabilisés dans les résultats du scrutin. 8. Retour à l'égalité stricte du temps de parole médiatique des candidats à une élection. 9. Répartition équitable des financements des médias pour plus de pluralité. 10. Ouvrir des formations à la vie publique pour tous et à tout âge. Voilà. Donc déjà, on peut débattre sur ces propositions-là. Et donc la 11e case, c'est « Et pour vous ». Donc soit il y a des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, soit il y a des trucs qui vous semblent vraiment importants et qui manquent. Et à partir de là, si vous êtes motivé, on lance une petite équipe qui compile une contribution de Nuit Debout Paris République au processus de Nuit Debout Rennes. Voilà, donc je ne sais pas si ça, cette introduction vous donne envie de réagir, comme quoi c'est un processus intéressant ou pas. Voilà. Oui, n'hésitez pas à vous lever la main et puis comme ça je vous note dans ma tête ou sur mon papier et puis je vous donne la parole. Bon, moi je pense que la démocratie, elle pourrait s'exercer si on allait tous en prison. Voilà. Donc je suggère qu'on a tous qu'on aille tous en prison. Merci. Oui, bonjour. La proposition 1 sur la fin de cumul. Alors, c'est la fin de cumul ou c'est est-ce que ça comprend la fin du renouvellement des mandats? C'est-à-dire, est-ce qu'un élu peut se représenter dans cette perspective une deuxième fois, une troisième fois? Voilà. Question. Personnellement, je serais d'accord pour une suppression du cumul et du renouvellement. Merci. Tu veux réagir, Daniel, ou on continue le... Dans ces propositions, je ne vois pas le changement du système représentatif vers un système de démocratie directe. Donc c'est un gros manque. Oui, c'est des propositions qui pourraient être faites dès 2017, en fait. Enfin, des trucs très... Ben, c'est un long débat, mais je ne vais pas parler très longtemps. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur qu'il est pessimiste. Il dit s'il y a la prison, on est tous dans la prison. Moi, je défends une société idéale. Je suis contre la prison, un système sans prison, je pense. Ça, c'est possible. Si on est l'homme, si on est humain, c'est possible une société sans prison. Mais je suis d'accord avec 10 revendications. Bien sûr, des fois, il y a la naïveté dedans, mais ils sont des bonnes propositions. Si on est humain, tout est possible. On peut créer une société idéale, on peut créer une société humaine, on peut donner un fin à cette société-là. Par exemple, les propositions qu'ils ont faites, fin de cumul de mandats, c'est logique. Parce que la politique... professionnel comme un joueur de foot professionnel, ça est devenu un domaine contre le peuple. Les gens qui ils gagnent l'argent, ils ont privilégié, on a besoin de ça dans une société logique, ça c'est possible. Il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Je suis d'accord avec 10 propositions, c'est possible, un milliard de gens qui réclament. C'est pas la peine d'être à gauche humaniste. Il y a les gens à droite qui, par exemple, fin de cumul des mandats, on peut faire 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. C'est logique. Inégalité à vie pour les élus condamnés. Ça, c'est discutable parce que le crime, c'est un débat discutable dans ce système-là. Par exemple, les gens qui ils ont fait tellement le crime, et ils ne le passent pas devant le tribunal, ou ils ne le passent pas en prison. Ça, c'est un autre débat. Mais finalement, pour faire tout ça, d'abord, il faut changer le rapport de force. Si le rapport de force ne change pas, sur le plan démocratique des choses, ça ne change pas. Ça dépend de la capacité de le peuple, l'esprit du peuple. Ça, c'est possible, à mon avis. Ce que je pense. C'est pas la peine d'entrer, comment expliquer. Il y a 10 propositions. Mais je suis d'accord avec 10 propositions. Les gens qui ne sont pas d'accord, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas assez humains, ou ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, comme on a discuté tout à l'heure. L'histoire de la nuit au début. Dans le mouvement au début, ça peut être 1 million de personnes. Après, ça peut diminuer à 10 personnes. C'est pas la peine de démoraliser. Mais finalement, la nuit au début crée les autres nuits au début. Regardez, nuit au début de Rennes, Toulouse, ailleurs dans les banlieues. Ça crée un mouvement social. Voilà pour ça que les gens du système, ils ont attaqué à la nuit au début. On n'est pas naïf. Toutes les propositions dans l'avenir, c'est possible. Ce système-là, ça ne marche pas. Soit on ouvre la route pour les conservateurs fâcheux, soit on lutte pour une société humaine. Moi, je ne suis pas pessimiste. Maintenant, les conservateurs, ils sont en progression, c'est très bien. Mais ce n'est pas fin de la lutte. Il faut garder toujours l'espoir. Il faut lutter pour une société humaine. Dans une société humaine, toutes les revendications, c'est possible. Merci, madame. Merci, madame. Bonjour, messieurs, dames. Donc, je voulais vous dire que là, la France, elle tombe un peu en ruine parce que tous les jours, je vois qu'il y a plus de SDF. C'est anormal. C'est pas comme à l'époque du franc. Je me rappelle, on appelait ça Pascal, le billet de 500 francs. Bon, à la cité, on appelle ça Scalap. Bref, il y avait moins de misère en France. Donc, il faudrait que ça, on revienne comme à l'époque. Que les hommes politiques créent plus d'associations pour aider les pauvres. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu plus aider les gens. Mais bon, là, en ce moment, j'attends une réponse au travail. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'ils créent plus de centres de formation pour les jeunes. Qu'ils les motivent à pouvoir travailler. S'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent plus étudier au lycée, qu'ils fassent des formations, tout ça. Bon, il y a tout ce qu'il faut en France, mais encore plus. Là, j'ai une bonne nouvelle aussi. Normalement, vous devrez savoir ça. Valls, il va augmenter un peu le RSA pour les toucheurs de RSA. Peut-être le mois à partir de octobre, novembre ou l'année prochaine. Moi, personnellement, je suis aux ACDIC. Là, j'attends une réponse de travail. Et puis la paix, le sourire, tout le monde, les gens, ils ont le sourire. Parce que par rapport à d'autres pays, en France, on manque de rien. Je comprends pas pourquoi les gens, ils boudent. Chacun a des problèmes. Il faut les garder pour soi-même. Il faut pas les montrer aux autres. Et non, mais c'est vrai. Quand vous voyez, je sais pas, la Syrie, la Palestine, ils manquent d'eau, tout ça, ils manquent de nourriture, ils ont quand même le sourire. Vous allez chez eux, ils partagent une baguette à 20. Ici, on a tout ce qu'il faut. On a la statue de Mariana. on a de belles femmes européennes, pour les hommes, bien sûr. Je sais pas, plein de choses. Et puis voilà, j'espère que la France aussi sera assez fusionnelle avec l'Algérie. Parce que la rivalité, c'était à l'époque. Mais maintenant, il y a une concurrence, mais une concurrence amicale. J'espère qu'il y aura plus d'amour entre la France et l'Algérie. Merci. Merci de ta contribution. Je précise juste que là, on est... sur les propositions qui ont été faites par rapport à la démocratie de Rennes, donc peut-être faudra les relire à un moment où... Ah oui, il y avait un tour de parole là, puis après je te le passe, il n'y a pas de souci. C'est à moi ? Alors, j'ai présenté franchement le processus de Rennes, et là en fait j'interviens en mon nom propre, pour dire ce que j'en pense. Et ce avec quoi bon, je suis d'accord, effectivement, j'aime pas trop l'idée qu'on aille tous en prison. Je pense que ça dépend du rapport de force. Je pense que quand le collègue là, où il vient de parler à l'instant, il nous exprime les problèmes sociaux, d'argent, de pauvreté, qui sont essentiels à résoudre. Et donc c'est un autre aspect sur lequel il faut absolument qu'on réussisse à faire la même chose que pour la démocratie. Mais justement, moi, pour avancer, je pense que dans les propositions pour la démocratie, il faut parler de la répartition des richesses. Et en fait, je vois trois ou quatre propositions. Il y en a une qui me semble vraiment importante, c'est que si on était tous, si on faisait la réduction du temps de travail salarié, réel, genre à 32 heures au minimum, mais à continuer, on pourrait comme ça partager le travail salarié. Comme ça, tout le monde aurait un revenu fixe de ce côté-là par une activité collective. Et aussi, ça laisserait du temps aux gens. Et donc, il y aurait une journée par semaine où tout le monde pourrait, dans ses quartiers, s'impliquer concrètement pour participer à la démocratie. Donc vous voyez que j'ai fait le lien entre le système économique et la démocratie. Et je pense que donc il faut rajouter des propositions qui, comme celle-ci, Une autre que je propose, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait la démocratie dans l'entreprise, parce que le capital appartient à des conseils d'administration et des actionnaires qui sont soi-disant anonymes. Quand Hollande, il a dit « Mon ennemi, la finance, il est insaisissable ». Mais ça, c'est du foutage de gueule, parce qu'en fait, ils organisent des trappes, comme les paradis fiscaux, par lesquels l'argent, il fuit, et des exemptions d'impôts, et des pays dans lesquels il y a moins d'impôts sur les entreprises, et la concurrence entre les pays. Donc tout ça, c'est un autre truc absolument à remettre en cause. La démocratie dans l'entreprise, ça veut dire en fait que les travailleurs et les consommateurs, ils décident ensemble de ce qu'on travaille, de tout le travail qu'on fait, qui serve à répondre aux besoins des gens. Voilà, donc ça c'est une proposition qu'il faudrait reformuler, mais je pense que ça s'appelle la collectivisation des moyens de production ou la socialisation des moyens de production dans le langage socialo-communiste. Mais je pense que c'est toujours un truc pertinent. Et la dernière chose que je voyais, toujours dans cet axe de combiner réforme de l'économie et réforme démocratique, c'est qu'il faut que les gens collectivement ils puissent décider de l'argent qui est dans les banques ou dans le budget de l'État, et que on décide ensemble de quelles sont les priorités pour dépenser cet argent. Et effectivement, il doit être dépensé pour donner du boulot aux gens et faire des boulots socialement utiles. Et pour ça, taxer les grandes richesses et limiter les revenus. Voilà, donc moi je rajouterais ces trois ou quatre propositions là-dedans. Merci. Donc Pierre. Si. Oui, moi je voudrais dire à Daniel qu'il y a au moins 8 jours qu'on discute de 3 textes. Il y avait un texte de Gilbert, il y en avait un à moi, et je vois pas pourquoi tu ramènes tu fais de l'exclusivité sur Rennes. Donc alors d'autre part, pour ce listing de Rennes, moi je trouve un catalogue de revendications de type syndicalo-politique. Bon, j'ai rien contre, mais ça ne caractérise pas Nuit Debout, me semble-t-il. Les points sur lesquels il faudrait insister, par exemple les médias. Il ne s'agit pas seulement des médias extérieurs, il s'agit de nos. Il s'agit de nos médias. Nos médias, c'est-à-dire le fonctionnement interne, qui est aussi ouvert vers l'extérieur, qu'il faut évidemment beaucoup améliorer pour que le public puisse s'investir là-dedans. Si vous proposez Telegram au public, ils vont s'arracher les cheveux s'il en reste. Et donc, il faut améliorer ça du point de vue de l'interne et du point de vue de l'externe. Monsieur, si vous voulez parler, vous prenez le micro. Je vois pas pourquoi il prend pas le micro, le monsieur en blanc, là. Mais oui, vous voulez parler, je vous donne le micro. Alors, d'autre part, pour répondre à Mérège qui veut qu'on aille tous en prison, moi je trouve qu'on y est déjà, parce que si vous prenez le nombre d'interdits qu'on a sur la gueule, ça ressemble à une prison. Donc Mérège, t'es en train de retard. Alors, d'autre part, quand on parle de répartition des richesses, moi je trouve que on n'est pas sur le bon créneau. La question qui se pose, c'est la production des richesses. Avant d'examiner leur répartition, qui fabrique quoi pour qui et comment. Donc ça, c'est une bonne question. La question de la répartition, pour moi, c'est une anecdote qui est hors sujet. J'ai fini pour l'instant. Merci. Moi, c'était juste pour avoir une précision sur la proposition financement des médias, répartition équitable. En fait, si tu pouvais m'en dire un peu plus, enfin, ce qui ne sais pas du tout, d'accord. Ok. Bon, parce que bon, du coup, pour moi, je pense que ça va pas assez loin. En fait, je vois un peu ce que tu veux dire, Pierre, mais parce que pour moi, ça va pas assez loin si on doit vraiment, ça va vraiment représenter ce que Venu Debout, mais c'est personnel. Et du coup, par exemple, pour moi, les médias, on devrait même plutôt parler de médias publics, en fait, d'en rendre un maximum public plutôt que de répartition des financements. Enfin, je comprends pas trop les répartitions des financements. En quoi ça va les rendre indépendants, en fait? J'ai du mal à faire le lien, mais peut-être. Et sinon, je rajoute, je suis d'accord avec toi, je rajouterai la démocratie partout en fait, hein. Enfin, au maximum d'endroits où on peut le mettre. Donc à l'entreprise, mais puisqu'on a déjà parlé ici, à l'école, dans n'importe quelle collectivité locale, enfin voilà, au maximum d'endroits où on puisse le mettre, à instaurer la démocratie, quoi. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Et voilà, c'est tout. Alors, c'est juste deux ou trois autres propositions. C'est déjà le fait qu'il y a qu'il faudrait plus qu'il y ait de politiciens de métier, c'est-à-dire qu'ils font que toute leur vie la politique, ils sont nourris par la politique. Il y a aussi des fonctionnaires qui sont élus et quand ils sont battus, ils retournent à leur boulot tranquillement, tandis qu'un ouvrier, une fois qu'il s'il veut être élu, il sait qu'après il a plus, quand il c'est fini, il a plus de boulot. Donc il faudrait déjà changer ça. Et enfin, supprimer le Sénat ou le transformer élire des représentants des associations de consommateurs pour défendre pour éviter des trucs comme par exemple le laboratoire Servier et en compagnie, qui tue au moins 5000 personnes et il ne se passe rien, il est toujours libre. Il y en a qui vont en prison, mais il y en a qui peuvent tuer des gens sans problème. Ouais, je crois que ce serait déjà un bon début. Oui. Un Sénat composé que de représentants de consommateurs. Et virer tous les autres. Bonjour, simplement c'était une annonce. Dans la soirée, il y a deux jeunes réfugiés syriens qui vont commencer une grève de la faim. On est en train d'écraser Alep, la population est en train de mourir. Ce matin, le président de la République, il a dit concernant les harkis, c'est une honte, on a laissé faire une honte. Alors dans quelques dizaines d'années, on aura un président de la République qui dira « Ah, la Syrie et Alep, il y a une honte, on a laissé une honte ». Ils laissent tous... Poutine en train d'écraser, de faire comme à Grosny. Il faut savoir que dans quelques semaines, Poutine va venir en France inaugurer une cathédrale. Il n'est pas la bienvenue, il va falloir se mobiliser. Merci. Si vous pouvez après aller discuter avec nous. Voilà. Merci. Excusez-moi. Oui, bonjour tout le monde. Par rapport à ce mouvement qui a commencé le 31 mars, donc je crois qu'il faut penser mouvement autonome, son syndicat et son politique, non, il faut y penser. Merci. Merci. Alors, rebonjour. Voilà, je tenais à vous dire donc tout ce qui est politique, moi ça ne m'intéresse pas, parce que premièrement, est-ce que on voit un Français du pur souche en politique? Non. Donc ça sert à rien que je rentre dans ce débat-là. Les présidents maintenant, les ministres préfèrent regarder ce qui se passe en Amérique au lieu de regarder ce qui se passe en France. Bon, je trouve ça anormal. Et puis j'ai pas envie que mon deuxième pays après l'Algérie, la France bien sûr, soit pauvre et démuni. Donc moi je suis né en France, donc ça fait quand même plus de 25 ans que j'habite ici. Et je tenais à dire, il y a un truc qui me chagrine en fait. Pourquoi on envoie des soldats en Afrique pour stopper la guerre et on n'envoie pas de soldats en Palestine pour stopper la guerre? Je sais pourquoi. Bon, parce que quand on voit un mort israélien, il y a 10 000 militaires devant la synagogue. Quand on voit un mort chrétien, il n'y a personne devant l'église. Quand on voit un mort musulman, alors là, il n'y a même pas un rat devant la mosquée. Donc je trouve ça bizarre. Ça me chagrine et donc je vais faire tout mon possible pour moi et mes collègues. Je peux être subordonné à mes collègues comme eux, ils peuvent être subordonnés à moi. Pour essayer de changer cela et créer plus la paix. Et j'espère qu'il n'y aura plus la guerre dans le monde. Et plus de chimpanzés avec leurs bananes qui soi-disant sont musulmans alors qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi l'islam. Voilà, bonne journée. Bon, du coup, ce que je pense qu'il est nécessaire de rappeler, c'est que les propositions, les 10 propositions que Rennes a formulées, c'est pour réinventer la démocratie. Donc au final, ces propositions ne sont pas au nom de Nuit Debout, ne sont pas émises au nom de Nuit Debout, sont émises au nom de la commission démocratie de Rennes, qui propose de réinventer la démocratie. Et du coup, là-dessus, ils ont réfléchi, ils ont travaillé, et ils ont abouti finalement à ce que nous a présenté Daniel, qui sont les 10 propositions, les 10 premières en fait propositions sur lesquelles ils ont réussi à s'entendre au sein de cette commission démocratie. Donc le jeu, en fait, si on veut y participer, ça serait soit de débattre de la pertinence de ces propositions, soit d'en ajouter de nouvelles. Mais à aucun moment, ces propositions porteront l'estampille Nuit Debout, étant donné que le but, c'est de réinventer la démocratie, comme tu l'as si bien dit. La démocratie, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Finalement, c'est un concept tellement abstrait que personne n'arrive à comprendre réellement comment sont prises les décisions aujourd'hui. Même si on en a une très bonne idée et que derrière on imagine très bien que c'est les pouvoirs d'argent et les pouvoirs de la finance qui influent sur les décisions qui sont prises. Et justement, le but est de réinventer la démocratie pour qu'elle ne puisse plus se faire envahir par le système financier. Et je pense que c'est là-dessus que Nuit Debout pourrait aider à formuler d'autres propositions. Et d'ailleurs, si je vais même me plier au jeu, et je vais essayer d'en faire une, même si j'ai pas forcément trop réfléchi. Et justement, je pense que c'est doter la démocratie d'une défense forte contre le monde des finances. Après, je sais pas comment elle se formule, mais je pense que c'est une proposition qui a du sens. Bonsoir, merci de me donner la parole. Une petite autocritique pour commencer. J'ai pas fait attention à 2-3 reprises au fait qu'il y avait un tour de parole. C'est aussi la salle des démocraties. Chacun parle à son tour en pensant aujourd'hui. Voilà. Sur un plan plus général, à propos de la personne qui a dit que, ouais, elle voulait pas se passer sur un plan politique, j'ai été étonné d'entendre ça parce que Nuit Debout est un mouvement très politique que j'apprécie énormément parce que personnellement, je suis pour la non-violence et à Nuit Debout, justement, on rejette le système capitaliste. Le système capitaliste, c'est une violence économique. Il était question de pour ce qui est de résoudre le problème israélo-palestinien. Je crois pas qu'en prenant les armes, on résoudra le problème, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui prennent les armes, une minorité de gens qui sèment leur zizanie là-bas, qui font tout avec des armes pour que le problème se résolve par politique. Hein, pour dire que bon, qu'on pèse nous, mais malheureusement on n'aura pas énormément de pouvoir dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus d'États, et aidés quand même par les populations, qui laissent tomber le gouvernement israélien et soutiennent beaucoup plus la Palestine. Voilà tout ce que je voulais dire. Ah, j'oubliais. J'en rajoute. Merci encore pour Nuit Debout. Que ça continue longtemps et que ce soit plus efficace. Merci de votre contribution. Je pense qu'il faut que vous avanciez un petit peu parce que ça ne va pas aller jusque là-bas. Je voudrais rebondir sur 2-3 petits points. Par rapport à la démocratie, à Nuit Debout, on veut tous une démocratie. Mais en démocratie, pour qu'une démocratie marche, fonctionne, il est indéniable qu'il faille que le peuple participe à la vie politique. Donc il y a une grosse éducation à ce niveau-là à transmettre, parce que c'est pas en restant, c'est pas si 80% de la population reste les bras croisés, va au travail, etc., et 20% agit, réfléchit, etc., que ça va fonctionner comme une démocratie. Donc il y a plein de choses à ce niveau-là à mettre en place, d'où le temps de travail, comme tu disais tout à l'heure, 32 heures. Pourquoi pas, mais moi je verrais à moins de travail que ça. 25 heures par semaine, c'est peut-être une bonne moyenne à mon avis déjà. Également, pour rebondir sur les propositions faites par rapport au vote blanc, oui, mais dans ce cas-là, redonner une définition du vote blanc. Tu peux noter. Redonner une définition au vote blanc. Ce que signifie le vote blanc ? Parce qu'aujourd'hui, le vote blanc, c'est... Voilà, rediscuter de la chose, en tout cas, redéfinir le vote blanc. Enfin, à quoi ça va servir, un vote blanc ? Parce qu'aujourd'hui, c'est on recommence une élection avec d'autres candidats, on recommence à élire d'autres personnes à la place, quoi. Donc, ça revient toujours au même. Donc, qu'est-ce que signifie le vote blanc ? À l'échelle des citoyens ? Ce que les citoyens voient par le vote blanc. Et également, tout à l'heure, il y a eu un discours sur le rapport de force entre le peuple et... Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. Entre le peuple et le gouvernement, par exemple. Nuit debout, ça a fonctionné entre nous. Ça a fait du bruit. Mais médiatiquement, ça a été un petit peu réduit à... un mouvement, comme tu disais tout à l'heure, junkie, bourré, etc. Ce qui est fortement dommage, puisqu'il y a énormément d'idées qui ont émergé de Nuit Debout. Donc, et suite à ça, j'ai conclu que le peuple était dans une impuissance politique énorme. Donc, il en est même mené à s'exprimer par des coups de cocktail Molotov en manifestation. Ça montre qu'il y a un ras-le-bol phénoménal, il y a des manifs tous les jours. Ça veut dire que le peuple, il n'est pas entendu au niveau politique. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une insurrection, et puis il va falloir prévenir la police, craignez le peuple, ou alors aider le peuple. Donc il y a un langage à avoir, à transmettre, enfin, il y a une communication à ouvrir considérablement entre le peuple, entre les citoyens et la police, à mon avis. Et il y a une grosse bataille médiatique. Faire quelque chose au niveau des médias, ça c'est indispensable. Il n'y a aucune plateforme, il n'y a eu aucune plateforme qui a permis aux assemblées de Nuit Debout d'être diffusées sur quelconque radio ou sur quelconque télévision. Franchement, j'ai rarement vu ça. S'il te plaît, j'ai pas envie d'être filmé quand je parle. Ça me gêne pas d'être vu, mais quand j'ai pas envie d'être filmé. Et il y a peut-être eu, mais en tout cas, j'ai pas beaucoup entendu. Il y a eu des pages faites, traduites par des journalistes et passées sur BFM, etc. Mais par exemple, une heure d'assemblée, une heure de débat, Nuit Debout qui passe à la radio, ça, j'ai jamais entendu. Sauf si c'est radio, Nuit Debout, quelque chose comme ça. Mais sur Europe 1 ou sur Radio Nova ou sur des stations comme ça, déjà, au minimum à la radio, ça pourrait être super utile. Organiser avec eux des plateformes pour que le peuple puisse s'exprimer, etc., faire des revendications, transmettre des idées, etc., ça pourrait, à mon avis, faire avancer beaucoup de choses si c'est entendu par l'ensemble des citoyens français. Et voilà, j'ai exprimé ce que je voulais. Ah oui, un truc aussi. Je continue à voir les bières, les pétards et tout. J'invite simplement à regarder le dessin animé Tintin chez les Picaros. Franchement, il parle beaucoup ce dessin animé. Tintin chez les Picaros. Est-ce que... Allô ? Le peuple, les rebelles, ils ont pas gagné grâce à l'alcool. Justement, c'est l'inverse. Donc, et il y a un truc aussi... ça s'appelle le rêve du dragon, on a une idée, après on met en place, après on réalise, et après on célèbre. Là on célèbre tous les jours, avec ça. Donc organisons-nous, faisons les choses, et puis après on célèbre. Merci. Oui, juste une précision par contre par rapport aux personnes qui filment. En fait, on a le principe à l'éducation populaire, quand quelqu'un filme, il vient nous voir pour nous demander. Et donc du coup, on demande aux gens, parce qu'il y a peut-être plein de personnes ici qui veulent pas être filmées. Donc je pose la question. En plus, il y a deux vidéos en même temps, je sais pas si c'est très utile. Est-ce que les gens acceptent ou pas d'être filmés ? Qui ne souhaite pas être filmé ? On va faire ça comme ça. Voilà, donc ça fait déjà suffisamment de monde. Donc à la limite, vous pouvez garder le son. Enfin, de toute façon, c'est enregistré. Mais du coup, ne filmez pas les gens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on arrive vers la fin. Il y a trois tours de parole encore. Donc, Daniel, Didier et puis toi. Et ensuite, on passera à la dernière intervention. Alors, ces propositions, il faut bien comprendre qu'elles sont pas figées et que c'est pas possible. Donc, c'est labellisé Nuit Debout, Commission Démocratie de Rennes. Là, s'il y a plusieurs... moi, je vais proposer, s'il y a des gens ici qui trouvent ça intéressant de participer à ça, je vais faire tourner une mailing list. En gros, les gens, ils peuvent donner leur contact pour qu'on fasse un jour où on va prendre en compte ce qui a été dit là pour faire des nouvelles propositions ou amender celles qui étaient lues au début. Et comme ça, avoir une contribution de Paris à envoyer à Rennes. Ça, c'est un premier truc. Un deuxième truc, c'est que, en fait, puisque c'est pas figé, à Rennes, comment il fonctionne, qu'ils viennent avec ces 10 propositions et ils les distribuent dans la rue, ils choisissent un marché ou une place et ils font porteur de parole. C'est-à-dire, ils demandent aux gens leur opinion, donc comme on a fait là, mais ils les mettent par écrit, publiquement, ils les affichent. Et après, on débat de la... Aujourd'hui, on a, pour une première fois, fait une présentation dans le cadre d'éducation populaire. Mais il faudrait reprendre ces 10 propositions et aller sur une place ou un marché et interpeller est-ce que les gens ils ont des réactions, des propositions, les écrire, les rassembler et puis faire la synthèse voilà, de manière ouverte, un peu comme on fait là, mais... voilà, on a dans l'idée de. Je vous propose, ceux qui sont motivés, de faire ça ensemble une fois dans les 2 semaines qui viennent. Ça, c'était 2 choses que je voulais dire en général. Après, waouh, il s'est dit tellement de trucs que. Oui, j'avais juste une réponse directe à Sébastien sur la question du financement des médias. À mon avis, ce à quoi il pense. Il faut savoir que l'État, il a plein de thunes. Et par exemple. Télé 7 jours, ils reçoivent des quantités d'euros hallucinantes, hein, des centaines de milliers d'euros par an de subventions. Donc en fait, je pense qu'ils pensent à ça. C'est-à-dire que l'argent qui finance les médias, il est trop donné à des médias qui servent à rien et pas assez à des médias qui servent, à savoir qu'ils voudraient porter la parole populaire, etc. Voilà, ça c'était qu'un des trucs. Mais donc, je vais faire passer une mailing list pour ceux qui veulent qu'on concrétise ces propositions. Donc, je sais plus, c'était toi, Pierre ? Non ? C'est juste une petite réponse, justement, à propos de entre la finance et la démocratie. Qui c'est qui nourrit la finance ? Qui c'est qui enrichit les banques, les multinationales, Internet, etc. ? C'est nous. Alors, comme disait Coluche, il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende pas. Et il n'y aurait plus de finances. Merci. Donc, dernière intervention, et ensuite on passera à Didier, d'ailleurs, qui nous parlera de la pensée complexe. Question de la finance, je pense que c'est quand même beaucoup plus vaste et beaucoup plus impactant que juste... de boycotter telle ou telle marque ou tel produit pour le faire tomber. Parce que certes, on va peut-être faire tomber des marques, on va peut-être faire tomber des usines, mais à ce moment-là, on va provoquer aussi du chômage. On va aussi finalement s'apercevoir qu'il y a peut-être un réel monde qui est lié justement à la loi travail et à tout ce qu'on combat, qui justement va nous opposer finalement sa force et va essayer de toujours impacter tous les process démocratiques qui pourraient se mettre en place. Et justement, ça a été très bien illustré, je trouve, dans la vidéo présentée par les Parasites hier soir. qui s'appelle Jeux de société et qui était un court-métrage qui était assez bien fait. Ensuite, pour juste finir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure concernant le vote blanc, il avait pas tort. Enfin, dans le sens, Daniel. Dans le sens où ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'était un amendement de la proposition 7 de Rennes, en ajoutant le fait que le vote blanc doit avoir un effet concret. C'est-à-dire que si c'est le reconnaître en l'état, aujourd'hui, c'est reconnaître du vent. Alors que si on reconnaît le vote blanc en lui donnant l'effet de... avalider une élection si il y a par exemple une majorité de votes blancs à un premier tour ou à un deuxième tour de n'importe quelle élection, là ça aurait finalement cet effet concret qu'on recherche à donner au vote blanc. Et je pense que c'est ce qu'il essaie de signifier. Il n'a pas forcément peut-être trouvé les bons mots. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Pour tout ce qui a été dit. Et donc voilà, Daniel t'a fait passer le message. Si les gens veulent participer justement à ce travail-là, vous allez voir Daniel, il prend vos coordonnées, puis après il y aura des réunions qui se créeront dans la semaine. Hein. C'est aussi comme ça que ça s'est toujours passé, Nuit Debout. Quelqu'un veut travailler sur quelque chose, il propose aux autres de venir avec lui et ainsi on avance. Donc là, on va passer à la dernière intervention de la journée pour vous dire un petit peu ceux qui ne connaissent pas Debout Éducation Populaire. On est là le vendredi soir, samedi et dimanche. On propose le samedi et le dimanche des interventions d'une heure, en sachant que n'importe qui peut venir nous proposer une intervention. Au contraire, hein, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, ça peut être aussi une expérience de voyage, c'est très large, ça peut être aussi une pratique. Et que vous avez envie de venir en parler, le partager avec d'autres personnes pendant une heure, ça peut être 20 minutes de présentation et ensuite un débat par exemple. N'hésitez pas vraiment à venir nous voir, hein, on vous inscrit sur un créneau qui vous arrange et comme ça plus de monde y aura à participer, plus intéressant ce sera. Et on a aussi lancé un atelier tous les vendredis soirs, donc de façon hebdomadaire, qui est sur justement c'est pas mal, ça rebondit sur ce qui a été dit aujourd'hui, qui est sur quelle société veut-on. Et donc on essaye de définir point par point exactement la société qu'on voudrait voir un jour, en sachant que pour l'instant on est sur une démarche très utopique où on essaye de déplacer en fait nos imaginations pour aller vers quelque chose de très différent. Et la deuxième étape, ce sera maintenant comment on fait pour y arriver. Voilà, donc je vais donner la parole à Didier et puis je vais faire passer une petite boîte à dons si vous voulez nous aider pour acheter le matériel, le micro par exemple prochainement. Et voilà, donc je vais faire passer ça pour ceux qui ont envie de nous aider. Merci beaucoup. Merci. Alors.